Bonjour et bienvenue dans l'émission Forum Jeune, l'émission qui donne la parole à ceux qui parlent pour les jeunes. Au micro, vous êtes avec Pacifique Chuailo. La mise en onde est assurée par François Kimana. Aujourd'hui, le monde vit l'ère des nouvelles technologies où le téléphone mobile occupe une place de choix dans la vie de tous les jours. Le téléphone est largement utilisé dans les pays en voie de développement, dont le Burundi. Et si ce moyen de télécommunication est répandu dans la société burundaise, nous assistons de plus en plus aux personnes aux revenus faibles, autant que les classes moyennes qui parviennent à s'en procurer à divers prix. Aujourd'hui, des jeunes sont également nombreux à en disposer grâce au concours de leurs parents ou autre parenté. Avec plusieurs applications pour certains de ces téléphones, les jeunes passent des heures à échanger sur WhatsApp, Facebook, à visionner des images sur les applications comme YouTube et d'autres. Dans cette émission Forum Jeunes, nous nous intéressons sur l'impact de l'usage abusif des téléphones par les jeunes et surtout le rôle des parents dans l'utilisation des téléphones par leurs enfants. Au studio, nous accueillons deux invités. Édouard Niyimbona, il est parent et psychologue de formation. Bonjour et bienvenue dans cette émission au Forum Jeunes. Merci beaucoup. Voilà l'autre invité, c'est Hugues Safari. Il est étudiant en sciences de communication à l'Université Lumière de Bujumbura. Il est également blogueur et membre du collectif Yaga Burundi. Bonjour et bienvenue dans cette émission Forum Jeunes. Merci bien. À vous tous qui êtes à l'écoute, vous êtes également invités à participer dans cette émission Forum Jeunes. Il suffit d'appeler au 22 25 43 75, au 22 24 66 02 ou encore 76 083 933. Pacifique Chuailo au micro, encore une fois, bienvenue à tous. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Voilà, tant qu'on parle de téléphone, nous avons notre invité Hugues qui apparemment ne pourrait pas s'en séparer. Il est avec son smartphone, un exemple parlant par rapport à notre sujet. Hugues, comment vous appréciez l'utilisation de téléphone dans la vie, surtout des jeunes aujourd'hui? Alors, personnellement, mon téléphone, je l'utilise pour des fins utiles. Sérieusement, à plus de 90%, je l'utilise pour des fins utiles et ça me permet de rester en contact avec des gens, avec des personnes avec qui je partage la vie professionnelle que la vie académique de l'université. Et donc ça me permet aussi d'apprendre des nouvelles choses, comme vous l'avez si bien mentionné dans votre introduction à l'émission, avec des applications qui me permettent de connaître où va le monde, où nous en sommes, et aussi dans des sciences qui peuvent nous aider à augmenter notre niveau d'intelligence. En un mot, mon téléphone, vraiment, ça m'est vraiment utile. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ça m'est vraiment utile. C'est un outil didactique et professionnel. Vraiment. Mais au départ, si ce n'est pas un secret, depuis quand vous avez possédé le premier téléphone? Smartphone, vous le dites? Le premier téléphone d'abord. Le premier téléphone, je ne me rappelle plus, c'était en... Tu étais en quelle année? J'étais en 9e, 8e. Oui. Partagez-nous cette expérience quand tu étais adolescent avec le téléphone. Est-ce que c'était facile de te concentrer sur tes cours? Alors, je vais être franc, c'était vraiment pas facile. Le parent me comprend directement. C'était vraiment pas facile de me concentrer parce que c'était l'ère des textos, des messages très courts, des SMS. Mm-hmm. C'était en 9e, on voulait à la fois être sur téléphone et... Mm-hmm. On passait presque une demi-journée à l'école, mais on n'arrivait pas vraiment à se concentrer aux études, mais on arrivait à se parler encore une fois arrivé à la maison. Comment tu vas? Quel est le programme de ce soir? Il n'y avait vraiment pas Internet. Je n'avais pas le téléphone Android qui possède l'Internet. Mais juste ça, les SMS, ça prenait mon temps et je ne pouvais pas être vraiment très sérieux sur mes études. Je me rappelle bien que même mon parent me disait... une fois, je vais garder ton téléphone. Donc je vais te priver de ton téléphone. Il y avait des résultats mauvais que vous aviez obtenus à cette époque. Qu'est-ce qui avait changé pour que votre parent puisse décider finalement, il faut qu'un jour tu puisses te séparer de ton téléphone. Je ne vais pas dire que je suis vraiment fier de moi, mais c'est le cas. Il n'y avait pas vraiment des retombées malheureuses. Heureusement pour toi. Oui, heureusement pour moi. Il n'y avait pas de retombées malheureuses au niveau de l'école, au niveau du secondaire. Je l'utilisais. Je ne sais pas si je vais dire si j'étais responsable ou. Mais je sais. Ou plus ou moins responsable par rapport à ta génération. Oui, parce que dans ma classe, il y avait ceux vraiment qui restaient attachés sur leur téléphone et que tu voyais réellement les résultats à l'école. Mais aussi, il y a peut-être on va développer ça. Il y a des enfants qui utilisaient le téléphone pour subvenir à leurs besoins. Il y a des enfants qui sont orphelins, qui devaient utiliser leur téléphone pour payer le Minerval, pour avoir quoi à manger, donc faire des jobs et tout. Notamment vendre des unités. Oui, oui. Voilà, on sommet cette fois, c'est du côté du parent. Édouard, vous êtes parent, vous êtes psychologue. Heureux pour vous que vous puissiez combiner ces deux casquettes. Est-ce que, au regard de ce que vous constatez, comment vous appréciez l'utilisation des téléphones par les jeunes d'aujourd'hui? Si je commence par l'aspect qu'il vient d'évoquer, mon ami ici, c'est Hugues. Oui, Hugues. Le téléphone a quand même beaucoup d'avantages. D'abord, il permet de communiquer. Et la communication... Et c'est devenu presque un droit pour tout le monde, que ce soit un jeune, que ce soit quelqu'un qui est grand. Mais communiquer, c'est vraiment une priorité aujourd'hui. Bon, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'au départ, la communication... C'est un besoin naturel pour l'homme. Alors, on communique par plusieurs moyens. On peut communiquer verbalement, on peut communiquer par des signes, etc. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles inventions, on a beaucoup de facilités. Cet outil-là est venu faciliter aussi cet aspect de la communication. C'est quand même bon de pouvoir atteindre quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres. Presque en temps réel, et ça, c'est un avantage réel. Deuxièmement, ça permet d'être informé. Si on laisse le côté enfant, qu'on va sur le côté adulte, avec les réseaux sociaux, etc., on parvient à être informé sur ce qui se passe dans le monde. C'est un autre avantage. Le troisième avantage, quand même, c'est au point de vue éducation, pour qui sait utiliser ce nouveau moyen de communication, aujourd'hui, on peut faire des recherches. Comme il a évoqué d'ailleurs Ick. Exactement. S'il y a quelque chose qui vous échappe, vous êtes en train de faire une recherche, vous pouvez aller sur Google via le smartphone et vous accéder à ce que vous êtes en train de chercher. Il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier, le divertissement. Parce que ces téléphones ont des options qui permettent aux enfants de se divertir sainement. Il y a des jeux éducatifs qu'ils peuvent tirer de cette. Alors voilà. Ça, c'est du côté des avantages. Ça, c'est du côté des avantages. Mais alors, les inconvénients sont aussi là. Et on peut en évoquer quelques-uns. D'abord sur le côté physique. Des fois, on entend, si on voit le fonctionnement même de ces moyens de communication, c'est des ondes qui nous traversent. Alors, je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de rapport d'études, mais je suspecte que ce n'est pas anodin sur la vie des gens. Mais ce niveau, peut-être, on dirait un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Voilà. Mais sur le côté psychologique, il y a beaucoup de méfaits. Bon, selon moi. D'abord, avoir le temps que la plupart passent sur les smartphones. D'abord, il y a une perte de temps, carrément. Et puis, le type de message qui passe, disons la fréquence elle-même des textes ou des images qui passent sur l'écran du téléphone en 30 minutes ou en une heure, ne disons pas en une journée, mais c'est immense. De telle manière qu'on n'a pas le temps de tout lire. La plupart des temps, on passe du temps plutôt à supprimer pour dégager de l'espace. Mais malheureusement, cet espace est occupé par d'autres informations du même genre, déjà différentes. Mais c'est-à-dire, donc, si je compare avec un livre, par exemple, le livre, vous prenez du temps carrément, 30 minutes, une heure, deux heures, en train de lire une page. Votre ami fidèle. Tourner, n'est-ce pas? Une page, deux pages, etc. Et vous êtes pouvez concentré. Vous reposer aussi si vous voyez que... Et vous êtes concentré sur un sujet. Et voilà. Mais le contenu de nos smartphones aujourd'hui, c'est tellement d'informations à une vitesse vertigineuse. Très donc, diversifié aussi. Voilà. Et on ne parvient pas à se concentrer sur... à moins que ça soit... un message qu'on attendait d'ordre professionnel ou bien du business, là on peut y porter beaucoup plus d'attention. Mais souvent, c'est des choses qui passent, c'est vraiment futile. Mais Ig a souligné un élément, il a dit « Moi, c'est un outil que je considère comme autant professionnel que pédagogique ou didactique. » Est-ce que, quand est-ce que le téléphone devient dangereux pour un enfant, un jeune par exemple, qui fait le secondaire, qui est vraiment dans son jeune âge? Le téléphone devient un danger quand on ne peut plus s'en séparer. Parce qu'à la longue, ça crée une addiction. C'est un constat que tu peux faire. On est dépendant. Vraiment. Ça crée une dépendance à la longue. Mon expérience dans les familles, c'est qu'on peut trouver des... On peut, en compagnie d'autres personnes... Il y a les enfants, ne dites pas d'aller saluer un visiteur ou bien d'aller lui tenir compagnie ou bien causer avec lui. Non, il peut le saluer comme ça à la volée. Il se met dans son coin et il se remet à... Ça, c'est un constat. Et à la longue, c'est... Le côté affectif s'opère petit à petit. Parce que carrément. l'autre, d'autres aspects... C'est par exemple, si on aborde le contenu lui-même des messages ou des images qui passent par nos téléphones, bon, ça dépend. Des fois, on a des groupes assez variés. Et, bon, dans certains groupes, on adopte un code de conduite éthique. On dit, moi, je ne veux pas avoir ce genre de message. Et bon, il y a des messages qui sont vraiment sains et éducatifs. Il y en a qui vous envoient l'évangile du jour. Il y en a qui font des groupes, disons, à caractère spirituel. Il y en a d'autres qui ne se concentrent que sur le point commun qui les unit. Par exemple, le côté académique. Bon, ils s'envoient des informations vraiment nécessaires. Mais il y en a d'autres qui vous envoient de n'importe quoi. Nous allons y revenir, mais retournons chez Ig. Ig, vous êtes jeune, vous êtes à l'université aujourd'hui, vous pouvez discerner, mais au départ, quand on est encore adolescent, c'est difficile de faire le tri, savoir si c'est telle information qui est vraiment nécessaire pour vous ou ça c'est à jeter. Pour un jeune d'aujourd'hui avec les smartphones, à l'époque vous aviez le simple téléphone, mais aujourd'hui un jeune adolescent a son smartphone. Pour lui, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de discerner la vraie information dans les messages qu'il reçoit régulièrement ou c'est vraiment... comment le jeune peut s'y tenir aujourd'hui? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que plusieurs fois, quand on croise un jeune adolescent, comme vous l'avez dit, il est beaucoup plus intéressé par ce qui lui traverse dans ses moments de puberté. Ils veulent ça. La musique, le sport, les blagues. Pas tellement parce que si on est franc, le téléphone devient dangereux quand quand nos petits frères ou quand votre enfant consulte des images ou des informations qui sont à caractère permettez de le dire, pornographiques ou de violence qui peuvent créer un sentiment de violence dans l'enfant. C'est vraiment deux facteurs que à chaque fois on a peur que l'enfant affronte ces genres d'informations. Et, moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai des amis ou j'ai des petits frères ou des cousins, qui restent scotchés sur leur téléphone et je me demande qu'est-ce qu'ils regardent sur leur téléphone. Et il arrive des fois de causer avec eux et ils te disent « Moi, sur Internet, je vois des choses que je ne peux pas voir à la maison. Je vois des informations que je ne peux pas trouver, que je ne peux pas regarder sur l'écran de la télévision à la maison. » En même temps avec mes parents. En même temps, en la présence de papa et maman ou de mon grand frère, de ma grande sœur. Donc, je suis à l'aise. Il est à l'aise, certainement. Il est à l'aise, mais comment... Alors, la question est comment parvenir à l'éduquer ou à le convaincre ou à le dire que c'est pas important pour sa vie. Donc, c'est là que j'ai moi-même j'ai pas la réponse, mais s'il était assis à côté de moi, je lui dirais bon, écoute. Mais peut-être déjà vous avez eu la chance qu'il puisse au moins s'ouvrir à toi et parler de ce qui l'intéresse sur téléphone. Et c'est facile de le dire face à face à son papa ou à sa maman que c'est ça qui l'intéresse sur téléphone. Parce que là, vous avez déjà franchi une bonne étape, si je peux le dire. C'est facile qu'il aborde un tel sujet comme ça avec sa maman et, sa papa, et son papa. En tout cas, par exemple, si c'est le sujet en rapport avec le sexe, je lui dirais que c'est à la longue, le psychologue peut m'aider, à la longue, ça va devenir une addiction. Parce que la plupart des choses, des images qu'on nous montre, ce n'est pas réel. C'est du virtuel. C'est du cinéma. Oui, c'est du cinéma. On ajoute, ce n'est pas humain. Voilà, ce n'est pas humain. Tu lui expliques dans ce sens. Pas le dire, arrête, rends-moi le téléphone, blablabla. Introduire une communication violente, ça n'aide pas l'enfant, ça n'aide pas le gosse à pouvoir comprendre finalement les méfaits de l'utilisation, de la mauvaise responsabilité de l'utilisation du téléphone. Vaut mieux, j'interpelle les parents sur ce sujet, vaut mieux que les parents plutôt aident leurs enfants à leur dire les mauvaises conséquences plutôt que leur arracher leur téléphone, introduire une communication violente. C'est ça mon intervention. Voilà, on était justement en train de parler des méfaits. Directement, j'ai commencé par lui qui a vécu ces différentes étapes. Et aujourd'hui, il introduit la notion de la responsabilité de l'intervention du parent. Est-ce le parent qui, finalement, pourrait s'immiscer dans tout ce qui intéresse le jeune dans son téléphone pour qu'il puisse lui imprimer cette responsabilité de voir ce qui pourrait être mieux pour lui? Bon, je pense que les parents eux-mêmes sont quelque peu... Bon, j'allais dire qu'ils sont désarmés, mais peut-être pas. Mais ils ne sont pas suffisamment outillés pour pouvoir régler cette affaire-là. Parce que ce qui est en train d'arriver aux jeunes, ça arrive en même temps aux parents. Il y a une immixtion de la technologie dans nos vies. Dans nos vies et des fois, ça vous rattrape dans tous les âges un peu avancés. Vous avez envie de découvrir une fois pour toutes. Vous voyez, dans les temps anciens, la transmission des valeurs se faisait, disons, de génération en génération. Les parents héritaient de leurs parents de certaines valeurs. Et ils pouvaient les transmettre parce qu'il y avait un système de transmission. Mais aujourd'hui... Ça s'inverse. Pour les nouvelles technologies, ce sont les enfants qui apprennent les parents. Bah oui, mais les enfants, carrément, ils en connaissent. Ils s'en sortent bien. Ouais, que leurs parents. Oui. Alors, côté technique, là, n'en parlons pas. Alors, côté, disons, éducation, aux valeurs, etc., les parents doivent, selon moi, doivent avoir aussi une formation pour pouvoir avoir les mots nécessaires ou les attitudes nécessaires pour guider leurs enfants. Quelqu'un m'a dit une fois, en adage ou essaying, comme disent les Anglais. Mm-hmm. Il a dit, on sait comment on fait des enfants, mais on ne sait pas comment on fait des parents. Mm-hmm. Oui. Des fois, les parents se retrouvent dans la situation et ils doivent... Il n'y a pas d'outils pédagogiques. Mais une fois qu'ils ont compris quand même que c'est un danger pour leurs enfants, il y a de bonnes attitudes à prendre. Notamment, donner l'exemple. Mm-hmm. D'abord, c'est, hein, parce qu'il y a de ces parents qui se retrouvent dans la même situation, qui sont scotchés sur, surtout les jeunes parents. Hein? Et ça sera difficile de dire à son enfant d'abandonner un tel comportement. Il n'arrive pas à prêcher par l'exemple. Pour pouvoir quand même se défaire de leur téléphone dans certaines circonstances. Mm. Par exemple, quand on reçoit un visiteur à la maison. Ou bien... À table des fois, parce qu'il y a des gens à table, une main touche le téléphone, l'autre touche carrément. Ou bien dans des rencontres comme à l'église, comme au cimetière, vous voyez ce genre de circonstances où on devrait quand même se défaire de... certainement que des fois on peut attendre un message très urgent, mais c'est pas tout le temps. On peut parler en fait de bonnes manières. De bonnes manières. De bonnes manières. Et l'autre chose, c'est pouvoir s'en défaire la nuit. Moi, j'ai vu ou bien j'ai entendu des parents qui se plaignent que les enfants ont des insomnies à cause du téléphone. Quand il va dormir avec, il y aura une tentation de toutes les façons de toucher. Mais l'approche de Hugues dit aussi qu'il ne faut pas lui enlever son téléphone sans lui expliquer. C'est pourquoi il y a un autre élément que j'allais dire, le dialogue. Le dialogue, il est transversal dans beaucoup de domaines, même dans le domaine du téléphone, c'est-à-dire pouvoir avoir une approche, lui montrer d'abord les bienfaits, mais aussi les méfaits. Dans la douceur. Parce que si vous le faites violemment, comme il le dit, lui, il saura comment vous contourner. Mais s'il parvient à comprendre que c'est un outil qui peut être utile, mais aussi qui peut être nuisible, alors il apprendra à abandonner le côté nuisible pour favoriser le côté utile, je pense. Oui. Et il y a l'autre attitude que je considère... Que je pratique moi-même, c'est de ne pas faire de mon téléphone un truc privé. C'est-à-dire que à la maison, et mon épouse et mon enfant, ils peuvent accéder facilement au téléphone. Il n'y a rien. Sérieux? Carrément. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des choses que je ne veux pas qu'ils sachent que je crache. Ça, c'est ça. En contrepartie, j'exigerais aussi... Le respect. Le respect, bien sûr, et aussi pouvoir accéder à la... Mais alors, il y a une violation à ce point de vue-là. Parce que, en tant que promoteur aussi des droits de l'homme, je sais que tout individu a droit à la discrétion ou à la vie privée. Mais alors, c'est question de balance. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce que la vie privée ou bien... La vie saine de la famille, de l'enfant. C'est un choix à faire en concertation. Donc, ce qui s'applique, ce que j'essaie d'appliquer, je ne peux pas le conseiller à tout le monde parce que, voilà, ce n'est pas tout le monde qui voudra que son téléphone soit accessible à n'importe qui. Mais au moins, c'est un exemple pour montrer que je n'ai pas de trucs. C'est une approche. Je ne sais pas si elle peut être valide pour tout le monde, mais bon, voilà. Voilà, je me retiens du côté de Hugues. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'évaluer l'impact d'un téléphone, sûrement dans la vie d'un jeune, surtout qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent? Est-ce que pour les parents, c'est déjà une préoccupation de se soucier de ce que leur enfant en fait avec le téléphone qu'il a? Est-ce que vraiment aujourd'hui, c'est une préoccupation pour les parents? Moi, je pense que oui, parce que les parents, dans leur obligation d'éduquer, de contrôler, responsabilité en général de leur enfant, parce qu'ils savent ce que nous en faisons avec nos téléphones, je pense bien. Ils savent ou ils doutent. Quand il y a doute, il y a quelque chose de mal qu'ils doutent, en fait. Et les parents, il arrive... Enfin, le mien, il ne prend jamais mon téléphone pour voir, pour... il n'a pas cette attitude de contrôle. Hein. Parce que la question est posée partant de ce que Edouard a dit, que des fois, les parents sont désarmés ou ont moins de maîtrise pour aborder l'enfant par rapport à cette problématique. Oui, parce qu'au XXIe siècle, nous n'avons plus cette éducation l'éducation qu'ont reçu nos parents. Je pense. Parce qu'aujourd'hui, il est catégoriquement normal que l'enfant te dise « Papa, ne touche pas à mon téléphone. » Tu le respectes. Pourquoi ? Parce qu'il voit ça à la télévision. Il voit ça dans des films. Donc, je vais m'insérer dedans. Nous voulons adopter, malheureusement, des manières ou de l'éducation des blancs occidentaux. Un déphasage avec l'éducation de nos parents. De nos parents. Donc, il y a conflit de génération, il y a vraiment une différence nette de l'éducation qu'ils ont reçue et que nous avons par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui grâce à nos téléphones ou télévisions. Donc, nos parents, ils sont vraiment... On peut utiliser même ce terme. Ils sont désarmés, carrément. Ils sont désarmés de pouvoir... À moins qu'ils ne volent nos téléphones. Mais malheureusement, il y a des codes. Mon téléphone a un code et je pense que la plupart des téléphones des jeunes, même vous, vous avez un code. Donc, tu ne peux pas entrer voir ce que j'en fasse avec. En tout cas, lui, il peut nous dire donc comment il parvient à gérer le téléphone. Mais la solution simple, c'est d'empêcher son enfant à posséder... Le téléphone, et l'affaire est close. Non, ça serait violent vraiment. Parce que comme j'aimerais bien qu'on parle des biens ou des avantages significatifs qu'on reçoit en utilisant ces téléphones plutôt que de parler beaucoup plus des mauvaises conséquences. Parce qu'il y en a, il y en a plein des avantages, de bons avantages à utiliser. Parce que si je vous le dis, mon smartphone, je l'utilise à rédiger des articles, à rédiger des blogs et à faire mon travail. Parce qu'à côté de la faculté, en 24 heures, vraiment, plus de 20 heures, je suis sur mon téléphone et je fais des choses. C'est plutôt... Tu te font avant. C'est un outil de travail. Exactement. Voilà. Oui. C'est comme une source de revenus, mon téléphone. Même si je ne vais pas sur mon ordinateur, quand il est HS ou quand il est déchargé, je sais qu'avec mon téléphone, je peux faire tout et avoir quelque chose à la fin du mois. Donc, par exemple, pour moi, c'est un outil que j'utilise pour vivre et pour... Voilà, justement, face à ces parents qui, des fois aussi, doivent apprendre des jeunes sur la manière d'utiliser le téléphone pour rendre responsable son enfant, quelle est l'astuce que vous pourrez lui dire pour clôturer cette émission? Je reviens à la communication non violente parce que il a dit, c'est un parent, lui montrer, si une fois tu constates que l'enfant utilise son téléphone pour avec une mauvaise intention ou quand il consulte des choses que tu ne veux pas carrément qu'il regarde, pour sa vie, pour sa santé et tout, pour sa sécurité, il faut adopter une attitude de lui montrer les méfaits. Les méfaits que ce qu'il consulte, ce qu'il voit peuvent impacter sa vie dans différents domaines. C'est vraiment ça, engager un dialogue. Parce que lui, peut-être, c'est parce qu'il est psychologue, mais si nos parents pouvaient penser comme lui, vraiment, ce serait le paradis. Il y a nos parents qui sont fâchés, c'est un délit d'utiliser un téléphone. Mais il faut adopter... C'est un encadrement qui est nécessaire. Oui, une attitude psychologique plutôt qu'une attitude d'un parent qui doit utiliser la violence. Merci en tout cas, Ig. Et Edouard, est-ce que vous pensez que l'approche, c'est facile pour nos parents? L'approche... Que vous proposez? Non, l'approche n'est pas facile, mais... Du tout. Il faut une réflexion. Il faut une réflexion parce que les jeunes, s'ils n'ont pas vraiment des valeurs qui les guident dans la vie, s'ils ne les ont pas de par leurs parents, en famille, famille directe ou en famille, disons, élargie, ils les auront de toute façon. Mmh. Ils auront des valeurs hein, ailleurs. Comme j'ai dit, ce qui est en train de nous arriver, c'est toute une révolution, vous savez. Mmh. Et les parents n'ont pas été préparés parce que ça nous arrive à un rythme vraiment très rapide. Hein, mmh. hein, à voir comment ça change. Six mois après, il y a d'autres smartphones avec de nouvelles options. Mmh. Une année après, c'est encore... C'est une course. Quand c'est vraiment une course. Hein. Mais les valeurs, quand même, sont stables. Mmh. Mmh. Si les parents puissent, savez, détecter où est le mal et comment il vient, mmh. et pouvoir, dans un dialogue franc, parce qu'il y a même des parents qui achètent des téléphones pour leurs enfants, oui. pour pouvoir les atteindre, par exemple. Mmh. Hein? C'est quand même sécurisant pour les parents mmh. de savoir où est leur mmh. enfant. Mmh. Ce sont les parents qui donnent du crédit, hein, des unités mmh. pour leurs enfants. Mmh. Parce que, vraiment, on a horreur à avoir un téléphone vide. Mmh. Hein? Et les enfants savent comment se procurer de... Alors, tu vois, mmh. malheureusement, avec les conjonctures, les budgets ne sont pas conséquents. Donc, c'est toute une réflexion multidimensionnelle. Mmh. Parce qu'il y a des aspects purement techniques, il y a des aspects de contenu, mais il y a d'autres aspects, les finances, hein? Comment les enfants... Tu vois, c'est tout un environnement. Hein? Donc, il faut une réflexion en profondeur et surtout le dialogue en famille. Je crois que c'est ça qui mmh. peut ramener les enfants sur le bon chemin et les évoluer. Sinon, on ne peut pas empêcher un enfant d'avoir un téléphone. Sinon, il aura et tu ne le sauras pas. Mmh. Autant qu'il l'est et qu'il le sache mmh. et tu sais comment ça fonctionne, mmh. comment il alimente, etc. Voilà. Bon, voilà. Donc, une réflexion. Voilà. Voilà, nos auditeurs ont bien compris et nos invités ont déjà mentionné l'aspect de communication toujours entre parents et enfants et ont parlé aujourd'hui de l'impact de l'usage abusif des téléphones par les jeunes et surtout le rôle des parents dans l'utilisation des téléphones par leurs enfants. Au studio, je remercie deux invités, Edouard Nimbona, parent et psychologue de formation. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Pacifique. Je remercie sincèrement aussi Hugues Safari, étudiant en sciences de communication à l'Université Lumière de Bujumbura, également blogueur et membre du collectif Yaga Burundi. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci bien, Pacifique. Au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chubahiro, la mise en onde assurée par François Akimana. À vous tous, que vous soyez, vous suivez toujours la radio Isanganiro.